Barak. Tami. Tiens, tu as une lettre de France. Ah, merci, merci. C'est qui ça? Ah, c'est Will. Ah, poteau. Si, si. Ah. Wesh mon pote, je vais savoir qu'est-ce que tu deviens. Comment ça va si c'est la merde ou si tout allait bien? Bloqué au bled, enfermé comme un tolard. Sur ma tête poteau, je ferai tout pour sortir de là. Quand t'es parti, j'ai perdu comme un frère. À quoi ça sert de regretter? Maintenant j'ai ce mal qui me sert. T'inquiète, t'en fais pas gros, on restera en contact. Là je paye tout le mal que j'ai fait, ça m'apprendra. J'écris cette lettre, ça fait 2 mois que t'es parti. J'ai eu des nouvelles par tes parents, paraît que t'as pas de soucis. Ça fait bizarre, tu sais, de se retrouver seul. Les délires sont plus les mêmes et quand j'y pense, à chaque fois j'ai le seum. Mais si tu sais, les nouvelles sont pas bonnes. Rien que je fume des cônes et mes parents n'arrêtent pas de me dire que je déconne. Des fois comme toi, je vais me barrer loin, bouger loin d'ici. Loin de ce paysage qui chaque jour me rappelle mes soucis. Oui, ne crois pas que c'est comme cette carte postale. Des paniers là, je plats, les pieds en éventail. Chez nous, les petits 7 ans sont déjà autonomes. Ici on tue le temps avec la rage qui nous contrôle. Déboussolé, tu sais que je suis attaché au bitume. Tu comprends pas cette chance d'être en France, mec, faut t'assurer. Mes habitudes du matos et ciné, du métro, le quartier, mec, tout ça c'est fini. Wesh mon pote, je voulais savoir qu'est-ce que tu deviens. Comment ça va si c'est la merde ou si tout allait bien? Bloqué au bled, enfermé comme un tolard. Sur ma tête poteau, je ferai tout pour sortir de là. Quand t'es parti, j'ai perdu comme un frère. À quoi ça sert de regretter? Maintenant j'ai ce mal qui me sert. T'inquiète, t'en fais pas gros, on restera en contact. Là je paye tout le mal que j'ai fait, ça m'apprendra. Allô? Allô mon pote, c'est Will, bien ou quoi? Tranquille poteau et toi mec, ton appel fait trop plaisir. Si, si. Je vais essayer de téléphoner plus souvent, j'ai pas une nouvelle. Alors quoi de neuf depuis le temps? Tu sais, ça fait déjà 1 an. Je ressens que j'ai mûri, je sens qu'il y a un changement. Ah ouais? Maintenant, je sais d'où je viens. C'est trop important pour savoir où je vais. C'est clair. J'ai appris à pratiquer la prière. Je me sens plus fort, j'ai l'envie de briser des barrières. J'ai la rage du bled et l'envie de percer. Vas-y, raconte-moi comment ça se passe dans le quartier. Tu sais, en fait, chez nous rien n'a changé. Ah toujours bon les keufs, le shit, les mêmes tasses. Ok, passe le salam à tout le monde demain. Eh bon, ça risque de couper. T'as plus de crêpes? Ah, c'est la merde. Merci, à plus tard. Wesh mon pote, je voulais savoir qu'est-ce que tu deviens. Comment ça va si c'est la merde ou si tout allait bien? Bloqué au bled, enfermé comme un tolard. Sur ma tête poteau, je ferai tout pour sortir de là. Quand t'es parti, j'ai perdu comme un frère. À quoi ça sert de regretter? Maintenant j'ai ce mal qui me sert. T'inquiète, t'en fais pas gros, on restera en contact. Là je paye tout le mal que j'ai fait, ça m'apprendra. Wesh mon pote, je voulais savoir qu'est-ce que tu deviens. Bloqué au bled, enfermé comme un tolard. Quand t'es parti, j'ai perdu comme un frère. T'inquiète, t'en fais pas gros, on restera en contact. Là je paye tout le mal que j'ai fait, ça m'apprendra.